Celle de ceux que j'ai vu tout à l'heure et les ceux que je n'ai pas encore vus. Donc, finalement, on a commencé par ce tour à tour de table et Sébastien va présenter un peu ce qu'était ce séminaire et ce cycle de conférences qu'il organise depuis quelques années. Donc, vous pourrez peut-être lui demander des informations si vous n'étiez pas là. Et donc, je disais, pour ma part, que lorsque Sébastien m'a demandé un titre qui devait être un petit peu accrocheur, je me suis dit, tiens, quelle est l'image qui ressort, que j'ai spontanément à l'esprit, quand j'essaye de penser à ce parcours de post-doctorant que je suis en train d'étudier. Et c'est cette image de la remontée des saumons qui m'est apparue, donc d'où la question. Le premier titre, La course du saumon, être postdoctorant aujourd'hui. Alors, je sais, une métaphore est toujours précaire, caricaturale, mais je vous laisse un peu la traduire et voir si elle fait sens pour vous. Le saumon ayant acquis la maturité nécessaire, quitte l'océan poussé par un désir ardent d'atteindre les eaux calmes de la procréation, mais auparavant, il doit remonter la rivière tumultueuse et parsemée d'embûches dans laquelle nombre s'épuiseront avant d'atteindre l'objet de leur quête. Ours, pêcheurs et autres prédateurs attendre cette course pour en retirer profit. Je ne sais pas si ça vous parle déjà. Peut-être que je suis moi aussi déjà, donc je suis un prédateur, étant amené à travailler sur les postdoctorants avec des postdoctorants et à les exploiter. Bernard, tu fais l'ours. Ou le pêcheur. Je fais l'ours, le pêcheur, ou bien peut-être autre chose. L'observateur, l'anthropologue ou l'ethnologue qui regarde les comportements. Animaux. En tout cas, je regarde mon propre groupe professionnel. Comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, j'ai travaillé sur les post-doctorants et maintenant je suis en train de travailler sur les premiers niveaux de nomination. Donc, c'est-à-dire ceux qui viennent d'être nommés, titularisés, je ne sais pas comment on dit en France, en tout cas qui ont obtenu un poste définitif, en essayant de regarder comment se joue leur trajectoire et quels sont les soutiens dans leur vie privée en particulier qu'ils ont obtenus pour pouvoir réussir ce type de trajectoire. Alors, auparavant, simplement, je voudrais attirer l'attention sur l'importance, et vous êtes là, bon, il y a des post-doctorants également, des jeunes docteurs, puis des doctorants, sur l'importance de, pour naviguer dans sa thèse, dans sa prétesse, d'essayer d'avoir d'avoir conscience de ce qui se passe dans la prétèse. Et aussi, il faut quand même remarquer, en tout cas, de mon expérience, et puis statistiquement aussi, et dans les textes, on a vu la position du doctorat se transformer en une dizaine d'années. Je pense que le terme qui qualifie le mieux cette transformation, c'est la scolarisation du doctorat. Elle est particulièrement manifeste dans le processus de Bologne. Hein, vous avez tous entendu du modèle 3-5-8. Trois années de licence ici en France, baccalauréat en Belgique, deux années de master, trois années de doctorat. Souvent plus que trois années. Mais il n'empêche, c'est un signal important dans le fait qu'on considère la thèse de doctorat dans l'espace de qualification. Certes, le plus haut niveau d'études de l'espace de qualification, mais il y a un encastrement plutôt dans un processus scolaire qu'un processus, je dirais, de socialisation professionnelle, bien que les deux aspects jouent ensemble. Cela se traduit, et ça nous vient aussi, je dirais, des pays anglo-saxons, par la manière dont le doctorant est dénommé aujourd'hui, et même parfois maintenant des post-doctorants, on parle de PhD student, d'étudiant au doctorat. Pour ma part, quand j'ai commencé et terminé ma thèse au début des années 2000, je ne m'étais jamais vécu dans le processus de thèse comme étudiant. Et je pense que je n'étais pas perçu, par ceux qui sont devenus mes collègues, comme un étudiant. J'étais un jeune chercheur qui devait faire ses preuves, mais je n'étais pas catalogué d'étudiant. J'avais d'ailleurs pas de carte d'étudiant, et je n'étais même pas inscrit en thèse. Je devais m'inscrire en thèse uniquement quand je la défendais. Alors en Belgique, mais là, Sébastien m'a dit en France, ça existait déjà, mais dans une autre forme, il y a mise en place d'une formation doctorale à travers des écoles doctorales. Et donc, cela conforte un peu cette idée de scolarisation du doctorat, qui a pour effet, finalement, de participer au processus classique des niveaux d'études. Il n'en demeure pas moins que le doctorat garde toujours une spécificité importante par rapport aux autres cursus. C'est une formation par la recherche, pour la recherche, production de connaissances, et en même temps, ça reste une socialisation professionnelle au métier de chercheur. Et il y a une rupture quand même avec la forme scolaire qui gouverne globalement les autres niveaux, je dirais, d'éducation, de l'enseignement primaire jusqu'au deuxième cycle universitaire. Par ailleurs, c'est une condition nécessaire, mais non suffisante, pour poursuivre une carrière scientifique et académique. De moins en moins suffisante, parce que aujourd'hui, on voit à peu près dans tous les pays, même dans les pays qui étaient très peu concernés par cela, je pense à l'Islande, je suis dans un projet européen où on travaille sur l'égalité homme-femme dans les carrières scientifiques, et les collègues islandais disaient « on a encore très peu de post-doctorants, puisqu'on ciblait aussi dans cette recherche européenne les post-doctorants, mais ça commence ». Et donc, cette question de l'augmentation du nombre de post-doctorants qui devient une condition pour la poursuite d'une carrière scientifique et académique, devient un problème, je dirais, global. Et cette carrière, ce post-doctorat, constitue finalement aujourd'hui le moment charnière entre le doctorat et votre avenir professionnel, et notamment, en particulier, pour ceux qui désirent poursuivre dans la recherche et l'enseignement universitaire. En même temps, ce post-doctorat s'inscrit aussi dans un parcours de vie où, l'âge aidant, cette zone de transition tend, à s'étendre, et des questions de plus en plus cruciales se posent durant le post-doctorat, qui peut durer 3 mois, jusqu'à 6 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans. Parce que le post-doctorat, somme toute, qu'est-ce que c'est? C'est pas une certification. Je n'ai jamais certifié post-doctorant. C'est une expérience approfondie de la recherche dans une situation précaire d'incertitude professionnelle, globalement. Au sein d'une institution de recherche ou universitaire. Donc, c'est une période où des choix deviennent cruciaux tant au niveau professionnel, mais également au niveau de sa vie privée, en termes de stabilisation d'un vie de couple, question d'un logement, achat d'un logement, projet parental, où on a déjà des enfants, sachant aussi qu'il y a quand même une dimension genrée qui est importante, et malgré tout des pressions d'ordre ou biologiques qui peuvent être plus fortes sur les chercheuses que sur les chercheurs. Alors, un jeune chercheur me dit « Oh, en prenant le modèle de mon directeur de labo, je peux avoir des enfants après 40 ans, donc je ne m'en préoccupe pas maintenant. » Lorsqu'il y a un projet d'enfant, pour les filles, c'est un peu plus délicat. Et donc, doctorat, post-doctorat, qui s'opère dans un lieu qui a quand même une particularité, je ne vais pas vous parler du champ scientifique que vous connaissez tous, mais ce qui me semble moins mis en évidence, c'est le côté greedy de l'institution universitaire. C'est un concept qui vient d'un sociologue américain qui l'a forgé dans les années 70, en référence à l'institution totale d'Erwin Goffman, en disant... Il y a d'autres institutions qui sont extrêmement exigeantes, mais qui demandent, je dirais, une implication volontaire des personnes dans cette institution. Donc, ce n'est pas une institution totale sous contrainte, non, c'est une institution dans laquelle on s'engage volontairement avec beaucoup, d'enthousiasme. Il a utilisé le terme de « greedy institution », que moi je traduis par « gourmande », institution gourmande, mais on peut avoir une version plus péjorative, en ayant une définition comme une Ah ben nous avons néo-zélandais, une organisation vorace ou un rapace. Non, c'est juste. Donc ça peut être plus ou moins positif. Ou... Et donc, cette université, vous faites votre doctorat et votre post-doctorat et vous vous intégrez, socialisez dans une greedy institution qui demande de vous un engagement total. J'y reviendrai. Mais en plus, parce que cette dimension greedy de l'institution était classique, et elle était basée d'ailleurs sur un ordre genré ou des rapports sociaux, ou rapports sociaux de sexe de la société industrielle, où on considérait, on parlait de l'homme de science qui était un moine, un célibataire, ou qui avait une épouse qui prenait en charge finalement toute l'intendance et la question, je dirais, domestique. Donc une université, Greedy Institution, qui s'était constituée dans une époque donnée où la division sexuée du travail productif et reproductif était considérée comme légitime, même s'il y avait déjà des mouvements de contestation. Mais à côté de cet aspect classique de la Greedy Institution, on a vu cette dernière décennie se développer une nouvelle régulation des universités et du champ scientifique, qui a été inspirée, je dirais, par le managérialisme, mais qui a été retraduite dans les codes de l'université sous le terme de l'excellence. Et derrière cette excellence, c'est une injonction à la productivité, à la compétitivité, à l'accountability, rendre des comptes et être responsable de ce qu'on fait, et à la mobilité internationale. Et donc, il y a une double pression, une pression, je dirais, à travers une socialisation à la Greedy Institution de l'intérieur, en quelque sorte, mon engagement, et une pression sous un contrôle extérieur, parce que vous allez tous être, évidemment, soumis à des mises en équivalence pour mesurer votre productivité, votre compétitivité, voir si vous êtes bien accountable, et surtout si vous avez aussi une mobilité internationale, si possible, dans les institutions les plus prestigieuses. Cette double pression, évidemment, pose la question, pour moi, de la façon dont on s'y interfère la vie professionnelle et la vie privée. Alors, je vais vous présenter quelques résultats, dont en partie issus d'un petit bouquin que j'ai publié en 2012 avec une post-doctorante, qui maintenant est à l'Université de Lausanne, Maria del Rio Caral, chercheur sous haute tension, vitalité, compétitivité, précarité et, entre parenthèses 1, fermez la parenthèse, compatibilité, travail-famille. Une étude qui a été faite auprès, mais je reviendrai, d'une population particulière en Belgique, qui sont les chargés de recherche du Fonds national de la recherche scientifique. Mais avant d'y arriver, je voudrais vous poser la question, quel est pour vous le scientifique belge le plus connu au monde? Jean Picmont. Qui connaît Jean Picmont? Bon, j'ai l'impression que votre connaissance de la science étrangère est très limitée. Bon, on vient d'avoir un prix Nobel de physique. Ça vous dit rien? Mais c'est pas lui. De toute façon, c'est Trifon Tournesol. Le professeur Calculus. Vous connaissez aussi? Tout le monde connaît Trifon Tournesol? Vous voyez, c'est lui qui est le scientifique, le belge le plus connu au monde. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est un personnage de bande dessinée, pensé par un auteur du passé, quoique inspiré par un personnage réel, notamment dans sa morphologie. Vous savez quel personnage Hergé avait en tête quand il a dessiné le professeur Tournesol? Le professeur Picard. Alors, ok, c'est quelqu'un du passé, mais il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont intéressantes et qui me semblent continuer à alimenter le mythe du professeur d'université ou du scientifique. Dites-moi un petit peu qu'évoque pour vous le professeur Tournesol. La déconnexion avec les considérations pratiques. Oui. Notamment, considération pratique. On mémoire des Tintins est trop. Moi, je mettrais, par exemple, on voit très peu de choses sur sa vie privée. Simplement, tout au début de Tintin, lorsqu'il est en train de faire le sous-marin, ben, ça met son appartement en atelier. Puis après, il est pris en charge par le capitaine Haddock au château du Moulinsart. Donc, c'est quelqu'un, en termes de vie privée, bon, simplement, on sait qu'il y a une petite attirance pour la captation, même on n'en sait pas plus. Il n'empêche, c'est vrai qu'il est farfelu, dégagé d'un certain nombre de contingences pratiques, mais si on regarde Objectif Lune, il est drôlement efficace. Il sait manager toute une équipe, il est apparemment très brillant, il parvient quand même à déposer le premier homme sur la Lune qui est Tintin. Les Américains aussi nous font croire que c'est pas vrai. Une autre caractéristique, allez, qui saute aux yeux. Ah là, la perspicacité féminine. C'est un homme. Donc, on pense, le professeur d'université, quelqu'un de farfelu, d'obsédé par sa recherche, qui peut être efficace, mais qui est un homme détaché de ses contingences domestiques et privées. Alors, vous allez me dire, bon, nous sommes là dans la société industrielle, on a évolué depuis. Il y a 3 semaines, j'avais un entretien Skype avec un collègue à l'université de Lille, aux États-Unis. Quelqu'un qui travaille en immunologie, 36 ans, qui a quitté un mandat de chercheur qualifié du Fonds national de recherche scientifique en Belgique, qui est un des mandats les plus, attractifs. Un contrat, un poste définitif, payé pour faire de la recherche, comme au CNRS. Alors, évidemment, on discute un petit peu qu'est-ce qu'il a amené à démissionner après quelques mois de ce poste-là. Alors il nous dit, bon, il y a eu des problèmes administratifs à l'université, avec le Fonds national de recherche scientifique, mais surtout parce qu'il n'a pas obtenu les buts. Donc il n'était pas sûr d'avoir les budgets nécessaires pour faire sa recherche. Et donc, comme il se dit passionné, par d'ailleurs une vocation qu'il a depuis l'âge de 2 ans, pour lui, c'était inacceptable d'avoir un statut, mais il ne devait pas être sûr de pouvoir participer au top mondial de la science. Et donc, il a maintenu son post-doctorat à l'université de Liège. Il est associé researcher, il me dit ça ne veut rien dire, ça veut dire simplement que je suis payé tant qu'il y a des moyens. Il travaille, me dit-il, 7 jours sur 7, en moyenne 70 heures par semaine. Il gagne 2 800 $ par mois, ce qui est moins que ce qu'il gagnerait au FNRS, tout en ayant un logement qui lui coûte quand même assez cher, mais il est content, il a quand même son vélo à lui. Et donc il peut aller jusqu'à l'université avec son vélo et se consacrer à la science. Moi je lui pose la question, tiens, est-ce que tu es en couple? Tu as des projets de couple? Des projets d'enfant? Non, pas du tout. Non, pour lui, la vie est pensée de façon un peu monastique, un moine de la science, je suis pour la vérité scientifique. Un cas réel qu'on retrouve d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu, je crois que c'est Sébastien Balibar, un physicien français, directeur du CNRS, qui a écrit un petit bouquin, Chercheur au quotidien. Alors, tout son livre, finalement, c'est la passion de la recherche, la passion, la vocation, la participation à la chose la plus noble qui est la vérité scientifique. Et dans son quotidien, on ne voit rien de ce qui est de sa vie privée. On a l'impression que c'est quelqu'un uniquement engagé en classe. Entre les lignes, on comprend quand même qu'il a une vie de couple et qu'il doit avoir des enfants, mais dans son chercheur au quotidien, c'est quelque chose qui n'apparaît pas. Alors que, vous allez voir, c'est quelque chose qui est quand même très fortement vécu par d'autres vrais chercheurs qui ne sont pas nécessairement, ou ne partagent pas, ou ne participent pas directement à ce mythe du professeur Tournesol. Qui n'est pas seulement un mythe incarné par quelques personnes exceptionnelles. J'ai repris ici une citation publiée en 2012 au sein de mon université, l'université de Louvain, par les autorités académiques, qui écrivait « Du professeur totalement investi dans son travail et profitant pleinement de sa liberté académique, on est passé au professeur toujours entièrement investi, mais beaucoup moins libre académiquement, nanana. » Moi, ce qui m'avait frappé dans cette citation, qui est ancienne, 2012, ce sont les adverbes. Entièrement, totalement, et pas fortement investi. On est bien dans cette perspective de la Greedy Institution, totalement investi dans la recherche et dans l'enseignement et dans le service à la science et à l'université. Je prends ici un autre exemple qui a déclenché chez moi en 2010 le programme de recherche sur les chercheurs. C'était un collègue de l'université de Louvain aussi, un économiste, qui a obtenu le prix en Belgique qui est le plus prestigieux au niveau de la science dans toutes les disciplines confondues, qui est le prix Franqui. Alors le journaliste lui demande, que représente pour vous le prix Franqui? Il répond, c'est beaucoup de travail, on suppose, de sacrifice, on imagine, et pas seulement pour moi. J'ai déraciné 4 fois mes enfants pour de longues périodes. Ta-ta-ta. Je trouve que les mots qui sont utilisés sont forts. Vieille éthique du travail. Mais en même temps, lorsqu'il dit « j'ai déraciné 4 fois mes enfants pour de longues périodes », je trouve que là, il y a une critique sous-jacente. Et on peut se poser la question, si François s'appelait Françoise, est-ce qu'il aurait pu, ou elle aurait pu, déraciner à 4 reprises et faire bouger sa famille pour la suivre, j'ai des doutes. Et donc, on voit encore, il y a une question genrée qui se profile derrière ce type d'assertion. Alors, pour un peu synthétiser les axes finalement de mon questionnement, c'est d'abord, quelles sont les attentes liées au métier de chercheur? Ben, d'une part, une disponibilité permanente pour la recherche, à travers cette Greedy Institution, seeking exclusive and undivided loyalty and attempting to reduce the claims of competing roles and status positions. Et cette entrée dans la Greedy Institution est volontaire et la participation de telles institutions est hautement désirable. Vous avez l'envie en vous et en même temps, on va vous demander d'être excellent, productif, compétitif, mobile et responsable. Ce qui, au fur et à mesure que vous avancez dans votre parcours de vie, va créer un certain nombre de tensions, notamment en termes de conciliation travail-famille, ce qui est d'ailleurs perçu par les autorités, puisque dans la charte européenne pour le chercheur, on dit qu'il faut pouvoir fournir des conditions pour que les hommes et les femmes chercheurs puissent combiner famille et travail, enfants et carrière. Mais bon, dans les faits, l'institution s'en préoccupe très peu et de la façon dont vous allez être évalué pour des postes définitifs, ça commence, mais ce n'est pas quelque chose qui va être déterminant. D'autant plus que je pars du postulat sociologique qu'on est de moins en moins dans un modèle horreur où je mène une vie professionnelle, où je mène une vie familial, mais plutôt dans un modèle NN, où on veut mener à la fois une vie professionnelle épanouissante, enthousiasmante, une vie personnelle, une vie privée, une vie conjugale, une vie parentale, etc., aussi enthousiasmante et épanouissante que possible. Et donc, il y a là, je dirais, structurellement et culturellement, une tension de base, parce que l'institution universitaire reste peu reste marqué par cette double dimension greedy et pression à l'excellence. Alors que on peut y répondre en fonction d'une série de situations privées particulières et d'articulation des milieux de vie qui jouent positivement ou négativement. S'ils jouent négativement, ils jouent comme des filtres qui font en sorte que certains vont rester en dehors du champ académique et scientifique, pour des raisons qui n'ont en rien trait à la qualité de leur travail scientifique ou de leur potentiel, mais pour des raisons autres, notamment de possibilité de pouvoir répondre aux exigences de la Greedy Institution et de la nouvelle régulation autour de l'excellence. Revenons-en à mon terrain, dans les carrières scientifiques en Belgique francophone. Or, en Belgique comme en France, on a, et comme je le disais un peu partout dans le monde, 3 grandes strates. La strate des doctorants, dont un nombre important se trouve ici. La strate des post-doctorants, dont un certain nombre se trouve maintenant aussi ici autour de la table. Et la troisième strate, c'est les postes définitifs. Et dans les postes définitifs, après, il y a une évolution dans la carrière, généralement à trois niveaux, A, B, C. Alors, ce que je voudrais montrer ici, j'ai repris les chiffres concernant les mandats du Fonds national de recherche scientifique en Belgique, concernant la strate des doctorants, pour un mandat spécifique qui est celui des aspirants, qui est le mandat sans doute de doctorat le plus valorisé. Pour les postdoctorats, celui de chargé de recherche FNRS, qui est le mandat d'aspirant, c'est 2 ans renouvelable une fois, donc 4 ans. Il faut faire sa thèse en 4 ans, donc vous êtes payé 4 ans pour faire votre thèse. 3 ans dans le processus de Bologne, plus un an de valorisation et montée des projets. Chargé de recherche, qui est un postdoctorat de 3 ans, pouvant aujourd'hui monter jusqu'à 5 ans selon certaines conditions. En termes de rémunération, je vous le dis déjà, c'est mieux qu'un maître de conf ici au début, c'est 2250 euros net par mois. Et puis le mandat de chercheur qualifié, qui est là, la titularisation. Alors si vous voyez, il n'y a pas énormément de mandats, mais on est un petit pays, en plus on est sur la partie francophone du pays. Mais simplement, en termes de proportion, annuellement, on recrute à peu près, on dote en bourse, une 150aine d'aspirants FNRS, donc de personnes payées pour faire un doctorat, toutes disciplines confondues. Pour les chargés de recherche, on voit que ça diminue un petit peu, mais on est autour d'une 100aine. Et pour les chercheurs qualifiés, donc là c'est le poste définitif, on est à une 20aine. En sachant qu'il ne faut pas avoir fait, ce n'est pas une filière au sens strict, pour devenir chargé de recherche, vous n'avez pas dû être nécessairement aspirant. Vous avez fait une thèse, vous postulez, vous devenez chargé de recherche. C'est le cas par exemple de Sébastien. C'est quand même fortement indiqué. Moi par exemple, j'ai été chercheur qualifié FNRS sans avoir du tout suivi la filière FNRS. Oui, j'ai fait une autre bourse. Donc ça veut dire qu'il y a un bassin de concurrence qui est relativement indéterminé. Mais rien qu'à partir de là, ça signifie, globalement, si vous jouez, je ne veux pas vous dissuader, il faut le faire. Mais malgré tout, on joue sa carrière professionnelle à la roulette russe. Sauf qu'on a 7 balles. Dans la roulette, et une qui vous laissera passer. Il y aura un trou qui vous laissera passer. Et je pense qu'en France, quand on regarde un petit peu les proportions, c'est identique pour vous dire. Mais il n'empêche que c'est passionnant. Alors, en termes, je dirais, d'âge, la trajectoire fluide, c'est 23 ans, vous avez 22, 23 ans, vous avez votre master, 28 ans, vous avez votre thèse, 32 ans, vous avez fait 3 ou 4 années de postdoctorat, 33 ans, vous êtes nommé. Aisé, facile. Bon. Ça se passe rarement comme ça en Belgique, parce que la nomination, je pense qu'elle est quand même plus tard qu'en France. Mais si je regarde les chercheurs qualifiés FNRS qui ont été engagés depuis 2010, la moyenne d'âge, c'est autour de 35 ans. Un peu plus jeune pour les hommes, c'est autour de un peu moins de 35 ans, et pour les femmes, c'est un peu plus de 36 ans, sans doute lié à la maternité. Or, l'étude que j'ai menée, c'est une étude qui combinait des enquêtes par questionnaire, notamment avec Line Survey en ligne, et des entretiens. Je passe un petit peu ça pour directement en arriver à un certain nombre de résultats. Mais pourquoi se focaliser sur ces postdoctorants chargés de recherche FNRS? D'abord, comme je l'ai dit, ils sont dans une position dans le parcours de vie où des choix deviennent décisifs. Ce sont des chercheurs hautement qualifiés qui ont déjà passé plusieurs épreuves de sélection scientifique. Ils sont dans une situation d'emploi à durée déterminée, avec une forte concurrence inter-individuelle pour des postes permanents relativement rares, sans limite de la productivité. Ça, c'est aussi une des caractéristiques, c'est que rien nous limite. Vous allez voir, c'est important, notamment notre investissement temporel. Ouverture à l'espace scientifique international, en Belgique, sans doute plus qu'en France, mais je crois que c'est de plus en plus présent en France, il faut une expérience internationale, de longue durée. flexibilité relativement choisie du travail et du temps partiel, grande autonomie, je pense que c'est aussi quelque chose que vous rencontrez. La nature de leur travail est intellectuelle, d'où ça veut dire qu'il faut une disponibilité qui est à la fois pratique pour sa recherche, mais aussi une disponibilité subjective. Un chercheur disait, le pire ennemi du chercheur, c'est la fatigue. Avec, du fait aussi de ces dimensions intellectuelles, la porosité entre la sphère professionnelle et la sphère privée, avec, dans certains cas, une confusion complète. Le professeur Tournesol. Un groupe non homogène, cependant, ces chargés de recherche, ben, il y a des hommes et des femmes. Il y en a qui sont célibataires, d'autres qui sont en couple, certains ont des enfants, d'autres pas. Différents selon des champs disciplinaires d'appartenance, notamment les critères de performance qui peuvent varier d'une discipline à l'autre, les interdépendances de la production du savoir. Est-ce qu'on est dépendant d'une plateforme technologique ou pas? Est-ce qu'on fait un travail collectif sur la manipulation de cellules vivantes, etc.? Est-ce qu'on fait une ethnographie? Est-ce que comme sociologue, on travaille sur des métadonnées ou on fait plutôt du terrain? La vie de laboratoire, le rôle des réseaux internationaux, etc. Différents selon la position dans le parcours scientifique, parce que comme j'ai dit, le post-doctorat il n'est pas limité dans le temps, et vous pouvez commencer votre doctorat directement après votre thèse à 28 ans, comme vous pouvez encore vous retrouver en post-doctorat à 45 ans. Vous allez me dire, avec la thèse aujourd'hui aussi, il y a de plus en plus de thèses qui sont reprises en étant adultes. Bon, qu'est-ce qu'être adulte? Mais il y a de plus en plus finalement des personnes qui reprennent, un peu sur le modèle aussi anglo-saxon, qui reprennent une thèse plus tard en ayant déjà eu une autre expérience professionnelle et de vie, qui n'est pas dans la continuité directe de leur formation initiale universitaire. Une différence selon l'origine sociale, évidemment, comme sociologue, l'importance entre autres du capital culturel, du capital social et du capital économique. Vous savez, on valorise le fait de séjours longs à l'étranger. Alors, je ne parle même pas des causes. Comment décoder finalement et naviguer dans le champ scientifique, mais simplement en termes financiers. Vous êtes en couple, moi j'ai des vécu. J'ai une bourse Marie Curie européenne qui est une très bonne bourse pour être à l'université d'Aberdeen en Écosse. Mais ça coûte. Ça coûte si vous êtes, j'étais avec mon épouse qui a dû prendre une pause carrière et avec un enfant en bas âge, il a fallu trouver malgré tout une crèche. Parce qu'on voulait la socialiser. Et ça coûte très cher. Et faire des séjours dans les centres et les laboratoires les plus prestigieux, ce sont généralement des lieux où les coûts de la vie sont les plus élevés. Aller à la Columbia, à New York, à Oxford ou peu importe, vous allez voir que lorsque vous devez vivre, faire ces choix, ben, est-ce qu'on peut économiquement les réaliser ou pas? Alors, quelques caractéristiques sociodémographiques. Dans la population des chargés de recherche FNRS, il y a 57% d'hommes et 43% de femmes, ce qui correspond plus ou moins en Belgique avec le niveau de proclamation de thèse de doctorat. Donc annuellement, pour l'instant, ces dernières années, il y a 44% de femmes qui sont proclamées docteurs contre 56% d'hommes. Puis les transgenres, ils ne sont pas mesurés. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas, je dirais, une discrimination, en tout cas, très claire au niveau du genre. L'âge moyen et médian des chargés de recherche, mais je travaille sur l'ensemble de la population, est de 31 ans, avec un minimum de 25 ans, c'est très jeune, et un maximum de 47 ans, parce qu'en Belgique, on ne peut plus discriminer en fonction de l'âge. Et donc, aujourd'hui, pour obtenir ce type de mandat, c'est une question d'ancienneté par rapport à la défense de la thèse. Donc, si vous avez défendu votre thèse à 43 ans, et que vous avez, je ne sais plus l'ancienneté, si c'est 6 ans ou quelque chose ainsi, vous pouvez encore obtenir un mandat à 49 ans. C'est relativement rare, parce qu'il y a une pression au nom de l'excellence aussi, pour être dans les filières scientifiques les plus valorisées, d'être très, très fluide dans le parcours et la trajectoire. Origine sociale moyenne supérieure, des parents qui ont fait des études supérieures, sur-représentation quand même des hommes qui proviennent de milieux plus entre guillemets, moins nantis, disons, ou qui se déclarent eux-mêmes venir de milieux socio-culturellement, économiquement dévalorisés. Alors 85% se déclarent être dans une relation de couple, dont 73% habitent avec leur partenaire. C'est pas négligeable. Avec une durée moyenne et médiane de la relation de couple de 7 ans, c'est peut-être une spécificité belge, je ne sais pas. En tout cas, dans l'étude qu'on a faite en Italie, en effet, c'était très différent. Pour près de 3 chercheurs sur 4, le partenaire a un niveau de qualification universitaire. La majorité des partenaires travaillent à temps plein. Près d'un chercheur sur 3 est en couple avec une personne œuvrant dans le milieu de la recherche, homogamie. Donc, on sait, c'est un marché matrimonial. Près de 4 chargés de recherche sur 10 ont au moins un enfant. Je ne m'y attendais pas. Donc 40% ont un enfant. Je pensais qu'on était plutôt dans une stratégie de report de la parentalité. Et 88% des chercheurs qui n'ont pas encore d'enfants considèrent que la parentalité est un projet de vie. Si on regarde, dans sexe statut parental, on a 21% de mères, 23% de femmes sans enfants, 18% de pères et 38% d'hommes sans enfants. Alors, un peu de contenu en termes d'expérience de ce post-doctorat, on peut dire que globalement, tendanciellement, le rapport au travail, à l'activité de recherche et aux relations de travail est vécu très positivement. Hein, ici, j'ai pris juste un extrait de Xavier, où il dit « Il n'y a pas vraiment de distance entre le travail, entre le boulot, et puis ce qu'il y a d'à côté, donc les loisirs. On est un peu tout le temps baigné dans ce qu'on fait, parce qu'à distance entre ce que l'on fait par passion ou par plaisir, tatata, il se force à ne plus travailler le week-end. » Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que vous savez quand même dans l'histoire du travail, combien il a fallu discipliner les gens au travail. Ici, dans la recherche, il faut se discipliner à ne pas travailler. En revanche, le rapport au salaire est plutôt mitigé, en particulier ceux qui sont dans les disciplines où le pouvoir de marché est le plus fort, dans le secteur de la santé et dans le secteur des sciences et technologies, parce qu'ils ont en référence évidemment le secteur privé, où il y en a un qui dit notamment que le privé offre des salaires de 1,5 fois à 2,5 fois plus importants. Bonjour Pascal. Un ex-postdoctorant dont je vous parlais qui a des charges de cours maintenant. Il est moins libre, moins disponible. Alors ce qui est le plus décrié en quelque sorte, c'est le rapport au statut. C'est la question finalement de cette incertitude professionnelle, de ne pas savoir ce que demain, dans un an, dans deux ans, qu'est-ce qui va se passer. C'est quelque chose qui pèse dans cette expérience du post-doctorat. Instabilité de l'emploi. Vivre sur des contrats de deux ans, ce n'est pas une vie stable permettant d'avoir des projets à long terme. Les postes fixes sont rares et demandent des critères de sélection de plus en plus difficiles à atteindre. Ce qu'on constate aussi, c'est que le rapport à la concurrence entre jeunes chercheurs est considéré par là, dont 50%, 1 sur 2, comme un frein dans sa volonté de s'engager dans une carrière scientifique. Je ne sais pas si vous, déjà au doctorat, ou vous avez fini votre doctorat et vous entrez dans la perspective d'une post-doctorat, est-ce que vous sentez cette concurrence? Est-ce quelque chose qui est extrêmement présent dans l'expérience, ou bien quelque chose on n'y pense pas? Donc ça plane au-dessus des têtes de chacun. J'irai plus loin, je dirais que la majorité des conversations qu'on a pendant une thèse, c'est sur la concurrence et sur la perspective, et non pas sur la science en elle-même. De fait. On ne fait pas de thèse, sinon ça s'applique. Non, mais après on peut apprendre à vivre avec. Moi, en tout cas, moi, j'ai été frappé quand je suis arrivé en thèse, c'était, mais on parle de la discipline, on parle de perspective. Ah. Donc là, il me semble que tout le monde n'est pas d'accord. Oui. C'est peut-être un cas particulier parce que moi, c'est une entreprise d'études, mais effectivement, dans les laboratoires en sciences humaines, il y a souvent des difficultés. Il y a déjà ceux qui sont dans le laboratoire et ceux qui ne sont pas, ceux qui travaillent à côté pour financer. Et parmi ceux qui sont là, il y a aussi ceux qui ont un financement et ceux qui n'en ont pas. Donc ça, c'est une grande différence. Et c'est vrai que ceux qui ont un financement, notamment pérenne, sont quand même, on va dire, très proches de la carrière. C'est vrai que ici, je prends une population, comme je l'ai dit, très spécifique. Une filière valorisée, bien rémunérée, et ils savent qu'ils ont au moins un contrat de 3 ans. Parce que il y a dans toute cette nébuleuse de post-doctorat, en effet, tous ceux qui font des post-doctorat sous fonds propres ou dans des statuts extrêmement plus précaires, parce que ce sont des contrats de recherche de 6 mois, un radio de 2 mois, faire des retranscriptions d'entretien, etc. J'ai même vu qu'il y avait un recrutement, je pense que c'était à Oxford, de casual workers, où on les paye à l'heure, des chercheurs à l'heure. On va ouvrir une agence d'intérim pour les chercheurs, d'accord? Il n'empêche, plus de 90% dans cette enquête vise un poste permanent dans la recherche. Et si on regarde ensuite, on posait la question, l'estimation de la probabilité d'obtenir un poste permanent en fonction du statut parental, selon le sexe, la différence est assez flagrante. En fait, les plus optimistes, ce sont les pères, les plus pessimistes, ce sont les mères, et entre les deux, les hommes et les femmes sans enfants. En moyenne, les mères estiment à 42% la possibilité, l'estimation de pouvoir obtenir un poste permanent, contre, pour les pères, 62%. Et pour les hommes et les femmes sans enfants, c'est entre 55 et 52%. Si je devais vous poser la question, qui aspire de pouvoir poursuivre, s'il avait le choix, une carrière scientifique, académique, à poste d'enseignant-chercheur, ou au CNRS, ou ailleurs, à Princeton, à Palmerton, Qui rêve de faire une carrière scientifique? Tout le monde. Non, là je vois que... Non, je parle de... Non, après, il y a l'idéal. L'idéal, et puis on est en réalité. Qui estime à plus de 50% de pouvoir avoir un poste définitif à l'université ou à la recherche scientifique? Je pense qu'on voit ça. C'est une question. C'est en termes de probabilité. On raisonne plus en termes d'opportunité. Opportunité, qui a une place au bon moment. Si on raisonne en statistiques, on le pleurait. À quel terme aussi, surtout. C'est ça qui m'intéresse. Si 5 ans, 10 ans, 20 ans, à mon avis, t'as pas les mêmes pourcentages. Non, non, non. Et ici, on a mené une deuxième enquête auprès des chargés de recherche en première année. Ils sont moins optimistes. Encore. Mais il faut... Personnellement, je considère qu'ils sont très optimistes par rapport à l'état réel de la concurrence. Bien que ça se joue de façon... En effet, on ne peut pas... Ce n'est pas une question juste de probabilité. La question est un peu provocatrice, mais ça permet quand même de prendre un peu le pouls. Quand 90% disent « je rêve de pouvoir faire une carrière scientifique », je pensais que ça allait être moins, notamment parce que c'était interdisciplinaire, et comme on dit, en moyenne, ce qui correspond aussi à la médiane, 1 sur 2 se disent « non, j'ai une chance sur 2 d'obtenir », ce qui est déjà une haute probabilité, c'est quand même interpellant. Autre différence, c'est la mobilité internationale. Ben, évidemment, les mères et les pères ont une durée de séjour à l'étranger moindre que les autres. Le publisher perish, vous connaissez, hein. 92% des hommes sans enfants, 88% des pères, 79% des femmes sans enfants disent avoir atteint la norme de publication annuelle qu'ils entrevoient personnellement, contre 62% des mères. S'il te plaît. Au sein d'un même couple. Ah non, c'est pas au sein d'un même couple. On va y revenir, parce qu'avec Pascal, on a travaillé notamment sur parentalité et carrière, plus spécifiquement. Qu'est-ce que je voulais dire là? Oui, peut-être une chose qui m'avait frappé, c'est dans l'enquête, donc je demandais quelle est la norme de publication, donc combien de publications qui étaient laissées relativement vagues devez-vous rencontrer pour estimer être rencontré, devez-vous avoir pour rencontrer la norme dans votre discipline? Parce que c'est très compliqué. Et j'étais étonné de voir que en santé, c'était en moyenne une publication annuelle. En sciences et techniques, deux publications. Et en sciences humaines et sociales, trois publications. Alors, on fait ça, mais j'anticipais qu'on publiait plus en sciences et techniques, par exemple. Et que la norme de publication. Mais vous avez parlé du cas de Yale. Le Belge qui a démissionné de son mandat de chercheur qualifié de l'Everest, il me disait, en 8 ans, j'ai publié 3 articles. Un dans Nature, un dans Cels, et un, je ne sais plus, dans les 3 top, parce que, donc c'est la source. Hein. Mais, il travaille avec un budget de 20 millions de dollars, financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Juste une question, parce qu'il y a quand même une différence sur la façon de concevoir la publication en sciences dures et sciences sociales. Pour être dans une institution qui est du coup affiliée sciences dures et faire des sciences sociales, il faut savoir que ce qui serait compté dans les sciences sociales comme des publications, donc j'en ai plus selon ces critères-là, mais un comité de lecture à double aveugle, ce genre de choses, compte comme une publication, et en sciences dures, je ne le compte pas comme une publication. Parce que c'est pas censé être une revue avec aussi impact factor, etc. Donc, une publication dans Nature, c'est pas forcément la même chose que une publication du coup dans une revue, enfin peut-être pas une revue, mais peut-être autre chose. Ah, je suis d'accord. On peut pas le compter de la même façon, quoi. Oui. Donc moi, c'était l'appréhension, parce que la question après, c'est le rapport à la norme. Est-ce que vous avez eu l'impression de rencontrer la norme ou pas? Donc chacun se fixe une norme. Je dois avoir publié, ou bien fait, me semble-t-il, qu'importe la façon dont va être défini dans la discipline, 3 articles, ou un article, ou 2 articles. Moi, par exemple, je me fixe, je me dis, 3 articles par an, c'est bien plus qu'assez. Quand on est en poste. Quand on est en poste. Ah ouais, parce que t'as l'optique conquête, et puis t'as l'optique, tu vois, maintien ou progrès. Donc si tu es dans l'optique conquête, tu vas envoyer du gaz, et puis après tu es en poste, donc tu vas te reposer un peu, on va dire. Si au bout de 3-4 ans, tu te dis, bon, alors c'est bien d'être chercheur qualifié, mais il faudrait que je sois maître de recherche, ou directeur de recherche, et ben, tu vas remettre du gaz pour que... Tu vas prendre plus de thésards, tu vas faire des bouquins, tu vas... C'est normal. Il y a toujours des années où tu alternes entre tu es sur ton terrain et tu publies moins, et puis d'autres années où tu t'envoies la sauce, parce que t'as plein de nouveaux matériaux de recherche, donc c'est aussi des stratégies, quoi. Enfin, oui, tout à fait, il faut voir ça de façon un peu fluctuante. Bien que les ours qui attrapent les saumons, ils se nourrissent des saumons pour. Et le niveau de publication et la quantité de publication ne diminue pas, ne fait qu'augmenter. Au fur et à mesure que tu as des doctorants et des post-doctorants, ta publication augmente. Alors, un tiraillement, un peu plus de 60%, là c'est juste une indication. Les chargés de recherche ont une affiliation à un club sportif, culturel, etc. Ce taux chute à 26% pour les pères et 33% pour les mères. Donc ici, une mère qui disait au cours de ma carrière, j'ai absolument abandonné toutes mes activités régulières, y compris sportives, pour concilier vie familiale et vie scientifique. Remarquons qu'un peu plus d'une mère sur deux et d'un père sur trois soulignent qu'elle ou il ne passe pas assez de temps avec leurs enfants. L'attention, elle est très présente dans la façon dont on considère finalement que la vie professionnelle empiète sur la vie privée. Sans, je dirais, surprise, plus présent chez les femmes et les mères en particulier. Et pour 4% des mères, ce sentiment d'empiètement joue aussi dans l'autre sens, un empiètement de la vie familiale sur la vie professionnelle, ce qui est moins ressenti par les autres. Mais est-ce que vous avez l'impression, en étant en thèse, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, que ce qui vous est demandé, sans que ce soit sous la contrainte et le risque du bâton, fait en sorte que vous vivez un empiètement, en quelque sorte, de votre vie professionnelle, de scientifique, sur votre vie privée au sens large. Vous prenez votre douche, vous pensez à votre thèse. Vous avez des insomnies. Alors évidemment, il y a des modalités d'atténuation de l'attention, mais tout ce qui est dispositif externe, congé parental, réduction de son temps de travail, etc., ça ne fonctionne pas, parce que comme on l'a dit, le climat de concurrence fait en sorte que si je le prends, je risque de perdre de ma productivité alors que les autres ne vont pas en perdre, et donc ça ne fonctionne pas tellement. Stratégie de phasage dans les parcours de vie, on essaye de trouver des timings pour un certain nombre de projets. Alors, ce qui était ressorti, c'est quand même le sentiment important d'être soutenu par les collègues, également de façon majoritaire par les supérieurs directs, mais très peu par les institutions, l'université ou le Fonds national de recherche scientifique. Sauf encore une fois, les pairs se sentent un peu plus soutenus. Mais bon, dans la littérature, en sociologie, des pairs gagnants, c'est bien connu. Possibilité aussi d'intégration des temporalités professionnelles et privées. Effet pervers, c'est ce qu'on avait évoqué, c'est qu'il est difficile à déconnecter du travail. Et le chercheur ne dispose ni de frontières spatio-temporelles pour les limiter, ni de normes de productivité explicitement établies. Et donc ça renvoie à cette idée d'autodiscipline. Et plus on avance, plus à un moment donné, on dit « Allez, Bernard, il faut que tu t'autodisciplines. Arrête, déconnecte. » Mais ce n'est pas évident. Dernièrement, il y a un collègue qui me disait, c'est l'homme qui avait l'homme qui avait l'ours, hein. Il me parlait d'un autre collègue, qui, sa femme ne voulait plus qu'il lise le week-end des articles scientifiques. Alors, à un moment donné, elle le surprend à lire son journal, son quotidien, elle va derrière son dos, il avait un article scientifique dans sa gazette. Bon. Oh, juste mère versus père, parce que c'est là la polarisation première qu'on constatait. Les mères, limitation des séjours à l'étranger, chez les pères aussi, mais un temps de travail moindre chez les mères et un temps domestique supérieur, évidemment, c'est un grand classique. Une plus grande difficulté à rencontrer les normes de publication, on a vu une estimation plus faible d'obtenir un mandat permanent, une tension travail-famille plus forte, et quelque part, je dirais tendanciellement, on a l'impression que... on joue plutôt en tant que mère, tendanciellement. Ça ne veut pas dire que c'est une loi. On joue dans un jeu plutôt à somme nulle. Ce que je donne d'un côté, je le prends de l'autre. Alors que les pères, on donne l'impression, tendanciellement, ce n'est pas une loi, à jouer dans un jeu à somme positive. Et on s'est dit avec Pascal, qui est là, qui vient d'arriver, et justement, c'est lui qui va faire la présentation, qu'on va travailler juste sur voir les entretiens faits avec les pères et les mères pour comprendre ce que fait en quelque sorte la parentalité à la carrière, la carrière à la parentalité. Donc ce qu'on a appelé des logiques d'interférence. Tu veux prendre la parole, Pascal? Merci, Bernard. Délégation du travail que je n'accepte pas. Je vais très vite parce que c'est pas tellement le propos, mais on voit que ça ne joue pas de façon évidemment homogène. Et que ce n'est pas exclusivement, je dirais, des attributions en fonction de la classe sexuelle. On peut être dans un cas où la parentalité et le travail se renforcent l'un l'autre. On est dans ce qu'on a appelé une logique de renforcement qui se base finalement sur une perspective où tout va bien, mais qui implique quand même des supports dans la vie privée très particuliers. Notamment un conjoint, une conjointe soutenante, une crèche à proximité, ou des grands-parents qui peuvent s'occuper de l'enfant, ou des temps de déplacement entre le domicile et le laboratoire qui ne sont pas trop longs, etc. Deuxième, c'est quand la parentalité apaise et libère des inquiétudes de la carrière. On a dit que c'est une logique d'apaisement dans la mesure où finalement, avoir un enfant, ben, ça permet aussi un peu de relativiser, de repasser un peu sa hiérarchie des valeurs et des investissements. Mais il faut évidemment que ça fonctionne bien aussi dans sa parentalité. Et puis, on a quand la parentalité recadre sous contrainte l'investissement professionnel, ou là, logique de recadrage dans la mesure où ça crée, vous verrez tout à l'heure, je présenterai une autre typologie, davantage le sentiment d'une d'une double contrainte où on a l'impression de ne pas être suffisamment disponible pour être un bon chercheur et suffisamment disponible pour être un bon parent. Et maintenant, cette double contrainte ou la double culpabilité que Marie et Irène Jonas avaient étudiée, très présente du côté des femmes. Mais de façon plus générale, quels sont les rapports à la carrière scientifique? On en a dégagé à travers les entretiens quatre rapports et qui peuvent évidemment se transformer en fonction du parcours. On a thématisé le rapport engagé au métier ou la recherche comme priorité de vie, le rapport optimiste au métier où là on est plutôt dans une formule de conciliation travail, famille, vie privée. On est dans un rapport ambivalent au métier, on est plutôt dans une relation conflit entre les milieux de vie et le rapport désengagé et distant au métier avec une forte incertitude en relation à la carrière. Alors, très rapidement, le rapport engagé au métier, la recherche comme priorité de vie, où la recherche est définie par un fort investissement temporel et subjectif, on est vraiment habité et engagé dans la recherche, investissement qui va de pair avec l'acceptation que la recherche se fasse au détriment de la vie privée. Le métier est vécu sur les registres de la passion et ou d'une ambition de réussir et représente, comme je l'ai dit, une priorité de vie. Et cette logique, pour dire quelques éléments, mais sans que, encore une fois, ça soit déterministe, se retrouve notamment chez les chercheurs célibataires, et aussi chez les pères qui sont dans un schéma traditionnel du travail avant toute chose avec le soutien de leur conjointe. Mais il n'empêche, ici on a pris le cas notamment d'une mère, Florence, pour montrer que justement c'est pas uniquement je dirais une logique masculine. Ici Florence, on a dit elle veut réussir en tant que femme. Le discours aussi, comme le gars de Yale, être toujours à la pointe dans le travail, qui dénonce les autres femmes qui manquent d'ambition, qui considèrent que le congé de maternité, c'est une perte de temps. Vous aviez une ministre aussi, d'ailleurs, qui n'avait pas perdu beaucoup de temps. Origine sociale favorisée, avec une mère et une grand-mère universitaire, qui pour elle sont des références importantes associées au discours de la volonté de réussir en tant que femme, avec un mari qui est également chercheur, et ils vont d'ailleurs pouvoir combiner leur expérience internationale postdoctorale dans une prestigieuse université américaine en ayant tous les deux une bourse postdoctorale pour pouvoir la réaliser. Le rapport optimiste au métier, là c'est plutôt dans une perspective de concilier ces milieux de vie, travail-famille en particulier. La recherche continue à être représenter une activité exigeante qui va de pair avec une grande liberté et une autonomie importante. Le métier est vécu dans une perspective où on peut concilier travail et vie de famille, où l'implication familiale ne pèse pas sur la productivité professionnelle, avec une tendance à séparer les milieux de vie et à établir des limites spatio-temporelles sociales relativement claires. On parvient à s'autodiscipliner pour parvenir à limiter son engagement professionnel, mais dans une perspective qui reste optimiste, où on y continue à y croire. Logique davantage exprimée par les pères qui vivent leur carrière comme un jeu à somme positive, je l'ai évoqué. Mais malgré tout, ici je présente le cas d'Anna, qui est une femme sans enfant mais qui est enceinte, où il y avait une perspective de concilier dans la liberté, liberté dans la gestion de la carrière, richesse au niveau d'activité sociale, culturelle, sportive, aucune intention de renoncer à cette richesse pour la carrière. On pourrait voir après que l'enfant soit né. Marie qui a un emploi stable, je pense qu'il est toujours important d'avoir en tête les configurations de la vie privée, avec un statut relativement important qui assure une certaine aisance matérielle, qualité et stabilité donc de la vie privée. Troisième logique, c'est la logique ambivalente. La recherche qui est marquée par l'ambivalence entre l'intérêt pour cette activité et la difficulté de sa conciliation avec la vie privée. Le métier est associé à un coût élevé sur les plans personnels, familiaux, sociaux et soulève la contradiction entre des exigences de la carrière académique dans un contexte incertain versus les priorités familiales. Ici, logique principalement exprimée par les mères, même si elles peuvent être aidées par leurs conjoints. Alors, le cas de Jessica, angoisse et absence de limite, tension exprimée entre le plaisir que procure la recherche et l'inquiétude qui découle de l'incertitude liée à l'avenir professionnel. Cette tension est quand même... On retrouve très peu de personnes qui ne prennent pas, qui ne définissent pas, en tout cas, le rapport à l'activité de recherche comme étant source, je dirais, d'une satisfaction, de plaisir. Difficulté à établir des limites claires entre activité professionnelle et familiale. Hormis le travail à famille, peu d'activités sociales personnelles. Jessica est dans une ambivalence constante par rapport à son positionnement. Elle aime la recherche, mais ne veut pas sacrifier sa vie familiale au nom d'une réussite professionnelle aléatoire. Et en même temps, elle ne veut pas sacrifier sa possibilité de poursuivre une carrière scientifique. Logique qui pourrait se développer aussi chez les pères, parce que dans les entretiens ou à travers les commentaires libres, il y a une forte critique qui est faite à cette question de l'engagement nécessaire dans la carrière scientifique. Et finalement, le rapport désengagé et distant au métier, incertitude en relation avec la carrière. La recherche est vécue par la prise de distance critique, parfois même cynique, à l'égard de la carrière scientifique. Conscience d'un fonctionnement sélectif de la carrière et des difficultés pour accéder à un poste stable. Les autres aussi ont conscience, mais ici c'est très, très manifeste. Le métier décrit par rapport aux difficultés à adhérer aux règles propres à la carrière, plus à sacrifier d'autres espaces de vie. Et ce qui engendre... la possibilité, donc, une reconversion professionnelle possible. Une question ici de prise de posture critique qui peut être liée au fait que soit le prix à payer nous paraît trop élevé, on n'est pas prêt à faire tous les sacrifices, soit parce qu'on a reçu déjà un certain nombre de signaux négatifs ou qui laissent croire qu'on a vraiment très peu de chances de pouvoir continuer la carrière et donc on rentre dans un processus de deuil. Mais ce n'est pas nécessairement négatif. Ici, on a voulu prendre le cas encore d'une femme parce qu'on voulait montrer que ce n'était pas uniquement genré. Où elle va finalement renouer avec sa passion artistique. Elle aime la recherche, mais n'envisage plus d'en faire carrière. Elle ne le voit pas comme un échec. Elle a un regard critique qui est fort concernant... je dirais, la régulation du champ scientifique et du fonctionnement de l'université, mais elle désire de retrouver des activités qui étaient autrefois présentes dans sa vie. Et donc, elle envisage une reconversion professionnelle motivée par ce nouvel objectif. Alors, vous voyez, le glissement de la logique ambivalence vers la quatrième logique paraît tout à fait plausible. Alors, la question, vous voyez, quatre rapports à la carrière. Un rapport engagé, priorité de vie, un rapport optimiste, on parvient à concilier, un rapport ambivalent, où on est dans une tension et une lourde culpabilité, et un rapport de distanciation. Est-ce que ça vous parle? Alors, évidemment, ce sont des idéotypes, il ne s'agit pas d'assurer les classements, mais... Est-ce que vous, un idéotype, se construit à une distance proximité par rapport, je dirais, au noyau? Qui se sent proche de la distanciation? Qui se sent proche d'un rapport ambivalent? Un rapport optimiste? Et un rapport engagé? Personne n'oserait le dire. Tout comme personne n'oserait se dire définitivement assurer la tenue en place. Mais dans un questionnaire, seul face à un enquêteur, peut-être qu'on pourrait le dire. Mais ici, il faut le passer. Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est sûr d'obtenir un poste? Non. Je suis sûr de rien. Vous n'osez pas vous dévoiler, c'est ça? C'est différent de la question, est-ce que vous croyez avoir plus de 50%? Ah oui, après c'est une autre question. Moi c'est pas celui. Non, il dirait quand même le rapport engagé, on aurait du mal à le déclarer. Il dit oui, je suis pleinement engagé pour moi dans la recherche, il n'y a que ça qui compte dans la vie. et les autres doivent s'ajuster. Les autres préoccupations, les autres personnes qui sont autour de moi doivent s'ajuster. Ce qui est étonnant, c'est que c'est une position qui était fréquente et qui est absente aussi autour de la table. C'était très fréquent dans les entretiens d'engagement, c'était une prise de position très forte par rapport à ce que doit être la recherche. Il y en a beaucoup qui témoignaient de cette formule, mais ici, autour de la table, personne ne l'a jamais. Alors qu'en Belgique, chez les postdoctorants, c'était très nombreux. Et si on a un public hétérogène, c'est ça quoi. Si t'as des gens sans financement, des gens sans financement, thèse, change tout. Ça change tout. Quand t'es CR, quand t'es chargé de recherche, t'as déjà un bon pied dedans. Quand t'es en troisième année de thèse sans financement, sans public, bah, tu commences à douter sérieusement. C'est ça aussi. Et une chose qui m'était apparue, bon, j'ai parlé, il y a certains cas de vocation, mais souvent, finalement, les chercheurs, dans les entretiens ou dans les enquêtes, expriment plutôt l'idée on est happé par la recherche. À un moment donné, on fait son mémoire, le promoteur du mémoire, le directeur du mémoire fait une proposition de poursuivre la thèse, hein, oui, pourquoi pas, et puis, hop, on est pris dans l'ébauche d'une carrière scientifique. Happé. Après, je fais son nom. Puis, on est habité. Alors, on découvre les choses, puis finalement, il y a quelque chose, un élément passionnant, et la recherche, notre thèse, nous habite, nous préoccupe, et puis on est tiraillé. Alors, je ne sais pas, ici, il doit y avoir des gens qui se sentent là happés, avec enthousiasme. Des gens qui se disent, oh, on est habité, sans nécessairement qu'on va dire on est engagé, et déjà certains qui, ou certaines qui sentent le tiraillement. Alors beaucoup parlent de sacrifices petits ou grands à accepter pour faire venir à se faire une place reconnue dans le monde de la recherche. Donc vous voyez, je travaille sur l'expérience. Alors, je ne parlerai plus des mères ou des pères, simplement, je dirais, une figure un peu idéale comme ça qui recompose globalement ces chargés de recherche. C'est que le chargé de recherche éprouve un réel plaisir subjectif et un intérêt authentique avec l'activité. Envers l'activité scientifique qu'il réalise sans trop compter, il éprouve un sentiment de grande liberté dans la gestion du temps et des tâches, au risque d'ailleurs de ne pas pouvoir mettre des limites à son investissement professionnel, ce qu'il perçoit comme un danger qu'il se doit de contrer en s'autodisciplinant pour maintenir un équilibre d'existence. Celui-ci est d'autant plus difficile à atteindre que le chercheur a conscience de la compétition en vigueur dans son domaine pour décrocher un poste permanent. Oui, ça c'est juste. Ça c'est juste. Ça fait écho. Alors, globalement, la carrière scientifique favorise chez les chargés de recherche l'engagement couplé à une grande liberté de pensée, d'action et d'organisation. Pour reprendre un petit texte que j'avais écrit avec Pierre Lannoy dans Hermès, un dispositif qui libère en même temps qu'il régule. Le rôle du dispositif n'est pas de contraindre un type de comportement déterminé, mais d'organiser un espace d'effectivité de comportement librement choisi, mais en accord avec une réalité déterminée. C'est ça que je trouve extraordinaire dans le champ scientifique ou dans cette expérience, c'est que finalement, on n'est pas dans une soumission à une contrainte directe qui nous oblige à faire les choses. On est amené, on le vit, mais il n'y a rien qui véritablement nous amène à... On est libre, on a une grande... Et d'ailleurs, c'est ce qui fait peur aussi, pour en dehors de l'université. Est-ce qu'on va retrouver cette liberté? Est-ce qu'on va encore être autonome? Est-ce qu'on va être libre de penser ailleurs? Un monde terrible, extérieur à l'université. La combinaison du plaisir que procure le travail scientifique, de la liberté qui le caractérise, du désir de rester dans le métier et de la mise en concurrence pour des postes rares, met les chercheurs sous haute tension. Je pense que ça, c'est un élément... qui est extrêmement fort pour maintenir la niaque. Alors, oui, ce dispositif est efficace, mais en même temps, il a des faiblesses. Il crée une inquiétude quant à la réelle opportunité d'obtenir un mandat permanent définitif. Il engendre du tiraillement et il risque, pour ces raisons, de retenir dans son filtre des chercheurs à très haut potentiel qui... préfère laisser tomber plutôt que de continuer dans ce type de système de dispositif. Moi, je crois très fortement que, en tout cas au niveau des postdoctorats, parce que j'ai vu en Belgique, on finance pas mal de postdoctorats, il y a une stratégie européenne de financement de postdoctorats, il est préférable de mieux calibrer le bassin de concurrence. Comme le disait un des responsables de mon université, finalement, on en vient à être des usines à générer de la frustration. Donc il faut quand même qu'il y ait... Demander à quelqu'un de faire 2 ans, 4 ans, 6 ans de post-doctorat, il faut quand même lui donner un horizon professionnel relativement, non, avec une probabilité relativement saine de, d'y parvenir. Parce que c'est quand même quand ici j'ai un post-doctorant, ex-post-doctorant, qui est maintenant en situation de mon emploi, il y a un poste qui se libère dans une haute école à Lausanne, mais bon, il a 38 ans, c'est dur de faire peser d'être dans cette situation. Son père qui dit « Mon fils est au chômage ». Oui. Donc, mieux calibrer le bassin de concurrents, je pense que c'est important de réfléchir en ces termes. Assurer la mise en place des fonctions intermédiaires alternatives, c'est un peu compliqué, mais le problème, ici, c'est tout ou rien. Revenir à des critères d'évaluation du travail de chercheur, notamment en termes de publication et de mobilité. Moi, j'utilise le terme, quand vous voyez des CV dans des commissions de recrutement, dans des projets, c'est des CV qui sont véritablement bodybuildés. Ils sont bons. C'est pas possible que quelqu'un soit musclé comme ça. Il doit y avoir là, des figures pour... plutôt que de dire, « Waouh, t'as vu le CV ?»« Oulala, là, tu dois être suspect. » Moi, je propose ça. C'est pas normal. D'avoir... Il y a cette incitation, donc je dis qu'il faut favoriser la figure du chercheur patient, publié à bon escient, reconnaître la multidimensionnalité de la recherche. La recherche, c'est la production de savoir, bien entendu, mais c'est la transmission aussi. C'est participer à de la gestion, organisation de séminaires, mettre en place des infrastructures d'échange, etc. Or, on a l'impression d'une vision monolithique qui n'est pas tout à fait vrai dans le processus de recrutement. Mais on doit plutôt mettre en évidence la manière dont on valorise les multidimensions du métier de chercheur. Et valoriser aussi les brefs séjours, comme je vous l'ai dit. Chez nous, il y a une forte injonction à faire des séjours longs à l'étranger. C'est très bien, il faut pouvoir les maintenir, mais il faut valoriser aussi les brefs séjours, notamment parce que tout le monde n'est pas dans les conditions de pouvoir partir un an ou deux à l'étranger, pour des questions financières, pour des questions... aussi peut-être sportive avec son cœur ou des questions familiales plus prosaïquement. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention et je suis ouvert à la discussion. Merci Bernard. Ah, c'est l'Américaine aujourd'hui.